23-10, observation, rencontre. J'ai vu Hubert à la fac. J'ai rencontré Hubert à la fac. Je suis tombé sur Hubert à la fac.